ak la polis. Pa gen tan bon bonbe ak fanbo. Se muzik ki menen isi. Thank you. Je viens en blanc, y'a rien là. Quand on entend, quand on relax, comme on l'entend, yo, dès qu'on a billé. Quand on entend, quand on relax, I find it.